Bonjour mes frères et sœurs, et on va continuer ensemble notre étude de 2 Corinthiens, chapitre 11. Notre bon Père du ciel continue à nous instruire ce matin, continue à nous montrer qu'il nous faut nous attacher à toi, qui est la lumière, qui est la vérité, qui est notre roc. Tu es prêt, Seigneur, à pardonner tous les péchés, la Bible nous dit. Mais il y a un péché que tu peux pas accepter. C'est des gens qui te rejettent, des gens qui te renient, des gens qui renient ton Fils. Et c'est pour ça que ton Fils nous a dit, celui qui me renie, je le renie aussi. Donc, l'important pour nous, c'est que tu nous donnes la grâce par ton Esprit Saint, par la vérité, par les Écritures, de toujours rester attaché à toi, de discerner les faux docteurs des vrais, des mensonges en comparaison avec la vérité. Et nous admettons humblement que c'est par ton Esprit Saint que nous pouvons faire cela. Amen. On a vu depuis le chapitre 10 que l'apôtre Paul défend son apostolat. On l'a remis en question. On l'a remis en question par rapport à Ben et Jaffaire et aussi par rapport à son apostolat. Paul est-il vraiment de Christ? Paul est-il vraiment un apôtre de Christ? Paul est-il vraiment l'autorité apostolique? On a vu ensemble qu'il dit, mon autorité a été manifestée, on avait vu ça dans les premiers chapitres aussi, que sa lettre de recommandation venait du Seigneur lui-même. Le Seigneur l'avait recommandé par les miracles qu'il a fait, par les signes, par l'évangile proclamé, par la conversion même des Corinthiens, par la venue du Saint-Esprit sur eux, par les dons qu'ils ont reçus, et qu'ils ont exprimé, qu'ils ont vécu. Paul, ça devrait vous suffire comme preuve que j'ai l'autorité apostolique. Puis on a vu ensemble qu'il dit, je ne me suis pas donné de l'autorité à un endroit que je n'avais pas autorité. Il dit, moi, c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'à vous. Et c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile de Jésus-Christ. C'est moi que Dieu a utilisé pour votre salut. Pourquoi vous laisseriez quelqu'un d'autre maintenant vous annoncer un autre évangile? C'est ce qu'on a vu hier. Il dit, peu une certaine crainte, comme il y avait eu une crainte par rapport aux Galatiens. Il y avait dit dans l'Épître aux Galates, j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Parce que maintenant, on veut vous détourner de la vérité. Puis hier, il a dit, j'ai peur que maintenant, on vous détourne de l'époux à laquelle je vous avais fiancé. J'ai peur que vous adoptiez un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Donc, Paul, quand il parle de même avec eux autres, dans sa première lettre, dans la deuxième lettre. Il n'est pas en train de défendre sa popularité, ou il n'est pas en train de vouloir combattre un sentiment de rejet. Il n'est pas en train de vouloir se débattre parce qu'il va perdre de l'argent si les Corinthiens se détournent de lui. Mais il a peur pour leur salut. Il a peur, comme on a dit hier, qu'ils perdent leur virginité spirituelle et qu'ils vont être finalement rejetés par Dieu et par Christ. Et ce matin, il va continuer, à partir du verset 5 que nous allons lire, à défendre son apostolat. Et il va donner un autre argument en sa faveur contre les faux apôtres de Jésus-Christ. Lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant selon le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Paul dit, je m'estime inférieur en rien à ses apôtres par excellence. C'est un peu de la moquerie, là. Si je suis ignorant sur le rapport du langage, fait que quelqu'un puisse qui en parle, là. Est-ce que Paul avait une difficulté d'allocution? Est-ce que Paul n'était pas un grand orateur? Mais il dit une chose est certaine, je ne le suis point sur celui de la connaissance. Et nous vous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Nous vous avons montré, depuis tout le temps que vous nous connaissez, nous vous avons montré que nous sommes en rien inférieurs sur le rapport de la connaissance. Je vous ai montré à quel point nous connaissions les Écritures. Ils vont en parler plus loin. Comment qu'il a été ravi au septième ciel et qu'il a reçu des révélations de Dieu. Sous le rapport de la connaissance, Paul n'a pas rien envié à qui que ce soit, même pas aux apôtres qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, parce que Jésus lui est apparu à lui, personnellement, à quelques reprises, pour lui transmettre le message de l'Évangile. Donc, sous le rapport de la connaissance, nous n'avons rien à envier à ces gens-là. Mais s'ils veulent se comparer avec nous, qu'ils se comparent jusqu'au bout. Et là, il va rentrer dans l'argument du verset 7. Il dit, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai commis un péché en œuvrant parmi vous sans recevoir de vous aucun don? Est-ce que c'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous me reprochez de ne pas avoir accepté de vous aucun argent pour œuvrer? Il dit, est-ce que vous m'en voulez ou est-ce que ces gens-là me reprochent d'avoir accepté de l'argent de d'autres églises? Là, ils nomment les Macédoniens. Est-ce que j'ai reçu de l'argent des autres pour travailler? Ou est-ce que vous m'approchez de des fois, j'ai retourné à mon métier de faiseur de tente pour être à charge à personne? Je n'ai pas voulu être à charge chez vous, à l'Église de Corinthe. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourtant, il a reçu de l'argent de d'autres églises pendant qu'il œuvrait parmi eux. Il a reçu de l'argent de d'autres églises, des dons de toutes sortes de chrétiens d'églises pendant qu'il travaillait à Corinthe. Pourquoi ne veut-il pas recevoir des argents de l'Église de Corinthe? Pourquoi s'est-il abstenu? Pourquoi, dit-il au verset 10, pourquoi est-ce que tirer gloire de ne pas charger rien? Il y avait une raison. Il y avait une raison très fondamentale à cela. c'est que Paul savait qu'il y avait des gens là qui avaient pris ça comme prétexte pour le dénigrer, comme il le faisait présentement. Il l'avait accusé, on a vu dans le chapitre 8 et 9, de faire des collectes pour remplir ses poches, qui étaient là pour l'argent. Qui était là pour savoir de l'argent de la part des chrétiens, qui abusait de son autorité d'apôtre pour avoir des fonds. À ce moment-là, dans cette église-là, Paul a dit, pour le moment présent, je ne veux pas leur donner un prétexte pour condamner l'Évangile. Donc, il s'est abstenu de recevoir de l'argent à Corinthe. Il a accepté l'argent qui venait de d'autres églises, mais pas d'eux autres. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens là qui auraient utilisé ça comme prétexte contre Paul, contre l'Évangile, contre l'Église de Corinthe. Donc, je me suis abstenu. Pas parce que je ne vous aimais pas. Dieu sait que je vous aime. Mais c'est pour leur enlever ce prétexte-là. S'ils veulent faire comme nous, qu'ils travaillent parmi vous, sans vous charger rien. Qu'il travaille parmi vous sans vous demander des sous. Et c'est ce qu'ils ne faisaient pas, eux. Eux, ils voulaient avoir des sous. Eux, ils étaient là pour l'argent et pour la gloire. Paul dit, nous autres, on ne l'a pas fait. S'ils veulent nous imiter, s'ils veulent faire comme nous, s'ils veulent se comparer à nous, mais qu'ils ne chargent pas d'argent, qu'ils acceptent comme nous aucun salaire de votre part et qu'ils aient travaillé. Vous savez qu'il y avait une tradition ou un principe au temps de Paul ou au début de l'Église, que si quelqu'un venait à l'Église, se présentait comme un prédicateur, comme un prophète, et qu'il restait plus que 3 jours et qu'il demandait de l'argent, on devait le chasser. On devait le voir comme étant un imposteur. C'était quelque chose qui se passait là, au début de l'Église. Et ici, l'apôtre Paul, je ne sais pas si comme au temps de Paul, c'est autant, ça s'est passé de même à Corinthe, mais c'est dans cette pensée-là que Paul il dit ici, si je vous ai pas demandé de l'argent, c'est parce que je voulais enlever à ces faux docteurs-là des arguments contre nous. Il continue en les décrivant. Et la façon qu'il est décrit, c'est fort, c'est intense. Au verset 13, il dit, « Ces hommes, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Ce sont des apôtres, mais de faux apôtres. Qui les envoie? C'est le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est donc pas étrange, au verset 15, que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Oh, c'est fort, hein, bébête, hein? Il dit, ces gens-là, dans votre église présentement, qui se disent chrétiens, qui se présentent comme des apôtres de Christ, c'est des apôtres de Satan. Ouh! Paul n'y allait pas de main morte. Et je m'imagine ces gens-là qui étaient dans l'église quand ils ont reçu la deuxième épître de Corinthiens et que Paul ici déclare ces gens-là devant toute l'église, ces gens-là que tout le monde connaissait, c'est des apôtres de Satan. Ce n'étaient pas des apôtres de Christ. Ils ne vous aiment pas. Ils sont là pour l'argent. Comme on a vu hier, ils sont là pour votre destruction. Et non pas pour votre édification. Il y a des gens qui sont dans l'Église, à travers le monde, qui sont là par des livres, ou leur présence physique, ou par vidéo, comme moi je fais. Ils sont là. Parmi les croyants, ils se disent apôtres de Christ, ils se disent envoyés de Dieu. Et maintenant, ils sont des apôtres de Satan. Ils se déguisent comme Satan, en fait, en anges de lumière. Mais c'est des anges des ténèbres, c'est des envoyés de Satan, c'est des faux apôtres, c'est des ouvriers trompeurs. Comment est-ce qu'on fait pour les discerner? Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? On l'a vu hier. Ils présentent un autre Christ. Ils présentent un autre esprit. Ils présentent un autre évangile. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Quand quelqu'un commence à dire que la Bible n'est plus la Bible, quand quelqu'un commence à dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas Dieu fait chair, quand il commence à dire que Jésus est juste un prophète, quand ils disent que Jésus n'est pas sauvé, complètement, les gens, il faut faire des œuvres pour être sauvé. En plus du salut en Jésus-Christ, c'est des anges de Satan. C'est des faux apôtres. C'est des faux envoyés. Il faut les chasser du milieu de nous. Il faut les envoyer du milieu de nous. Il faut, s'ils ne veulent pas partir, que nous, on se retire. Mais il faut couper les liens avec ces gens-là, qui, eux, se disent comme cela. Je ne suis pas en train de dire là, qu'il faut couper les liens avec toute personne qui ne pense pas à 100% comme moi, ou comme vous. Non, mais qui prêche un autre Christ, un autre esprit et un autre évangile, là, il faut se séparer. Là, il faut couper les ponts. Là, il faut les chasser. Là, il faut les reprendre. Là, il faut leur dire... En pleine face, si je peux me permettre comme ça, vous êtes des apôtres du diable, des apôtres de Satan. Vous êtes de faux Christ. Vous êtes des antichrists, comme dirait Jean, l'apôtre Jean. Il dit, à la fin du verset 15, « Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, ça va être destruction. Ça va être condamnation. Ça va être enfer avec Satan. Ils ont prêché pour Satan. Ils vont aller avec Satan. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de nous donner des points de repère pour discerner les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres de Christ. Des gens qui prêchent un autre évangile. Des gens qui prêchent un autre Christ, un autre esprit. Des gens qui sont là pour l'argent. Oh Seigneur, donne à ton Église la capacité de discerner et la volonté de chasser. Afin de garder la vérité pure et de la transmettre à ceux qui nous succéderont. De transmettre la vérité telle que nous l'avons reçue. Comme Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le à d'autres hommes qui le transmettront à d'autres hommes. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, dans la vérité.